Dimanche 31 juillet, bienvenue à l'émission Les Différents. Émission ce midi, où est-ce que je vais vous parler en fait du sujet tout de suite. Et puis le sujet, c'est la simplicité volontaire. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir peut-être comment est-ce qu'on peut dire, de prime abord, d'avoir un mode de vie que vous pensez qui est marginal, mais que plusieurs le font sans le savoir? Donc, la simplicité volontaire, ça arrive dans la vie de tous les jours, on le fait de différentes façons. Et puis, avec nous aujourd'hui, pour nous en parler, j'ai Monsieur Pascal Grenier et quelqu'un aussi qui est avec, Benoît Grenier. Je pense que vous ne vous connaissez pas du tout. Bonjour beaucoup. Moi, je vous entends. Je vais aller voir tout de suite en studio de l'autre côté. Est-ce que vous pouvez... Vous m'entendez? Oui. Vous pouvez parler, monsieur. Il n'y a pas de problème. Oui, je vous entends bien. Vous êtes les fondateurs de, justement, du groupe de Simplicité volontaire à Québec. Est-ce que je me trompe? C'est exact. C'est nous qui sommes les fondateurs. C'est ça. Ça fait une dizaine d'années, à un moment donné, qu'on a fondé ce groupe-là par, au début, un colloque qu'on a fait et un groupe de gens qui voulaient aller plus loin. Nous ont donné leurs coordonnées, puis on a fait différentes réunions et à ce moment-là, justement, le groupe a été formé. Mm-hmm. Et depuis, ça ne fait que progresser. Ça ne fait réellement que progresser. On a passé par toutes sortes d'étapes, naturellement, dans notre progrès. Mais c'est comme vous disiez, c'est un mode de vie également dans lequel on va aller élaborer un petit peu plus. Mais c'est ça, de base, c'est ça. Et il y a, je peux pas ne pas le mentionner, vous avez le même nom de famille. Oui. Vous avez votre frère. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous m'entendez mieux, oui, là. Oui, je vous entends très bien, merci. Parfait. Donc, vous êtes, comme votre frère l'a dit aussi, vous êtes cofondateur pour le groupe à Québec au niveau de la simplicité volontaire. Si on commence dès le départ, c'est quoi la simplicité volontaire selon votre, le groupe, par exemple, en général? Est-ce que... Ben oui, on peut. D'abord, je peux vous donner, si vous voulez, la définition de l'Office québécois de la langue française. Ça va être officiel parce que c'est reconnu officiel, par l'Office québécois. Alors, c'est défini comme un mode de vie consistant à réduire sa consommation de biens en vue de mener une vie davantage centrée sur les valeurs essentielles. On poursuit en disant, les adeptes de ce mode de vie sont des gens qui, en évitant la surconsommation, peuvent travailler moins et ainsi profiter davantage de la vie. Certains environnementalistes optent également pour la simplicité volontaire parce qu'ils ont le souci de briser le cycle de la consommation au nom de la protection de l'environnement. Alors, on voit que la simplicité volontaire, c'est basé beaucoup sur l'idée d'une réduction de la consommation. Oui. Pour vivre des choses plus importantes que la consommation matérielle. Ce qu'on peut entendre aussi comme combler un vide, ces choses-là. Donc, on va vraiment à l'essentiel au niveau de nos besoins primaires, de nos besoins pour vivre. Là. C'est ça? C'est ça. On essaye de consommer selon ses besoins réels parce que la société nous propose toutes sortes de choses à consommer, la publicité, mm-hmm, entre autres, et c'est facilité beaucoup par le crédit aussi. Alors, oui, on nous propose de consommer pour être heureux. Alors, moi, la définition que moi, je donne, la simplicité volontaire, très, oui, simple, c'est consommer moins pour être plus heureux. OK. Ça va exactement dans le sens contraire de ce que nous propose la publicité qui nous dit, mm-hmm, consommer pour être heureux. Alors, ouais, quand on consomme beaucoup, on a besoin de travailler beaucoup. On, ouais, a besoin de beaucoup d'argent, besoin, mmh, de travailler beaucoup. Puis, à ce moment-là, souvent, en travaillant beaucoup, on néglige les choses essentielles, comme la famille, les enfants. On court tout le temps, finalement. C'est un mode de vie au niveau des, comme vous dites, oui, des valeurs, mais aussi de prendre du temps pour nous, ce qui est aussi prôné par la publicité. C'est souvent ça. Achetez-vous ça pour prendre du temps pour vous. Mais là, vous allez à l'encontre. Vous prouvez avec votre façon de vivre. Vous montrez que vous n'avez pas besoin d'acheter telle chose pour prendre du temps. Ça ne s'achète pas. Vous en avez besoin, point, c'est ça? C'est ça. La chose la plus importante, en réalité, pratiquement dans la vie, c'est le temps. Exemple, le temps qu'on va passer avec nos enfants. S'il n'y a pas de, valeur plus importante qu'on peut donner à un enfant que de passer du temps avec lui, du temps de qualité. Oui. Par contre, notre approche, moi, je vois ça un petit peu comme... C'est un petit peu anticapitaliste, si on peut dire. Oui, c'est parce ce que j'avais remarqué aussi. C'est ça. Le capitalisme, bien, naturellement, c'est de nous faire dépenser le plus possible et peu importe les conséquences. Ouais. C'est de dépenser, comme Pascal disait. Même si on n'a pas le moyen, on va trouver des moyens pour vous en prêter pareil de l'argent, là, tu sais. Oui, payer dans 24, 60 mois, là. C'est ça. Fait que même si tu n'as pas d'argent, on va se trouver un moyen pour que tu dépenses, pour te donner l'illusion que tu es heureux parce que tu vas imiter tes voisins qui ont plus grosse voiture, plus gros ci, plus gros ça. Mais au bout de tout ça, c'est pas là qu'est le bonheur. Le bonheur, c'est dans les relations humaines. Comme on dit, la simplicité volontaire, là, c'est beaucoup plus des valeurs humaines, beaucoup plus que des valeurs de matériel. C'est ça. Parce que souvent, comme je parlais tout à l'heure, avant, à micro fermé, en fait, souvent, ce qu'on a comme idée de la vie avec en appliquant le mode de simplicité volontaire, on disait, bon, ben ça se peut qu'on ait l'idée d'une personne, comme vous m'aviez dit, qui reste dans le bois. Une autre qui va rester, admettons, en commune. C'est pas ça, là. On est dans le mode de vie actuel aussi, là. Exact. C'est pas... faut enlever ce préjugé-là. Puis, justement, vous, de votre côté, Pascal... Oui, c'est ça. Vous mêlez. Vous vous ressemblez quand même. T'as une histoire de famille. Histoire de famille, c'est ça. Je peux pas me... Moi qui ai de la difficulté en plus avec les noms, vous me faites travailler ce midi. Et puis, en fait, ce que vous m'avez dit, vous faites aussi de l'initiation, vous prévoyez faire des ateliers au niveau... Oui, ça, j'aimerais bien pouvoir en parler un peu à l'émission, là, parce que s'il y a des gens qui sont intéressés à suivre des ateliers d'introduction à la simplicité volontaire, qui se demandent qu'est-ce que c'est la simplicité volontaire, puis qui voient quelque chose d'intéressant là-dedans, à la fin de l'émission, je pourrais donner mes coordonnées. Alors, s'ils veulent prendre un papier puis un crayon, là, je vais leur donner mes coordonnées. Et je vais même mettre ça sur ma page Facebook de différents aussi. Je vais mettre toutes vos coordonnées. Je vais le mentionner aussi, il n'y a aucun problème. Au niveau, pour vous, comment ça a débuté? Si on prend, par exemple, avec Benoît, par exemple, vous? Ben ça... Moi, disons, c'est des valeurs qui viennent, je dirais dire, de base, c'est des valeurs qui viennent de ma mère, en principe. Ma mère était, même si on n'était pas pauvre chez nous, loin de là, mais elle était économe quand même. Ma mère gaspillait des choses, c'était réellement pas dans ses habitudes. Prévoir les choses. Bon, au départ, je dirais que c'est de là que c'est venu. Je me souviens, moi, quand j'étais tout jeune, à l'âge d'une douzaine d'années, j'allais faire des réparations chez un couvent de sœurs, exemple, tu sais. Oui. Puis je revenais chez nous avec mon petit coffre d'outils à pied à travers les champs, là, pour revenir à la maison. Tu sais, fait que c'est... Et à la maison, ben je bricolais beaucoup, réparer toutes sortes de choses, apprendre à réparer les choses, puis apprendre à, autrement dit, extendre la vie des objets. Et d'une chose à l'autre, je vais laisser Pascal expliquer exactement le Club de Rome, un rapport du Club de Rome qu'on a lu, puis de là, ben, enclenché qu'on a parti, on a décidé de partir d'un mouvement de simplicité volontaire. Voudrais-tu élaborer, Pascal, sur ça? Faut dire que la simplicité volontaire, c'est très relié aussi à l'environnement. Oui. Alors, la problématique environnementale mondiale ou régionale ou nationale est au cœur de la simplicité volontaire, même si des fois, ça paraît pas, là. Moi, au début, j'étais sensibilisé à la question de l'environnement et puis... quand on a fondé le groupe de simplicité volontaire en organisant un colloque, on a eu, à la fin du colloque, j'ai demandé aux gens, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à démarrer un groupe de simplicité volontaire à Québec? Il y avait 250 personnes dans la salle. Il y a 40 personnes qui ont donné leur nom. quand même. Alors, c'est pas rien, là. On a facilement démarré un groupe qui dure depuis ce temps-là. Et puis, c'est ça. Ben, l'environnement, pour moi, j'ai toujours été sensibilisé à l'environnement. Mais quand j'ai lu le livre de Serge Mongeau en 2001, au moment où on a fondé le groupe, là, j'ai lu le livre juste avant, ça m'a donné comme un étincelle. Ça m'a comme déclenché. J'ai dit, mais c'est ça que je veux, c'est ça qui est l'orientation de ma vie, ça, la simplicité volontaire, c'est comme ça que je veux vivre. Mm-hmm. Alors là, on a organisé le colloque, puis le groupe a été fondé. Et puis, l'environnement là-dedans a toujours pris une place importante. Mm-hmm. Parce que vous savez, quand on regarde ça comme faux, comment on peut aider à régler les problèmes environnementaux? C'est en diminuant la démographie, c'est-à-dire la population. Mm-hmm. En améliorant les technologies et en diminuant la consommation. C'est les trois grands axes sur lesquels on peut travailler pour réduire améliorer l'environnement. OK. Alors, réduire la démographie, la population du monde, pas évident. Non, ça, c'est pas évident. La technologie, on y travaille déjà beaucoup, mais ça a des limites. Mm-hmm. Alors, l'autre point, c'est la réduction de la consommation. C'est là-dessus qu'on peut et qu'on doit travailler, ce qui est le plus facile, entre guillemets. Ben même oui, si c'est parce pas qu'on facile. On est quand même maître de notre portefeuille aussi, à un moment donné. Là, on décide, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on... On parlait tout à l'heure d'achat, de consommation. Est-ce qu'on achète parce que, veut, veut pas, ça coûte cher à l'environnement à chaque fois qu'on construit une voiture neuve, qu'on fait des appareils électroménagers au lieu de les réparer, ces choses-là. Donc, c'est des façons de limiter puis d'accentuer, dans le fond, là, la longévité des appareils, des choses comme ça, parce que ça coûte beaucoup en énergie puis au niveau de la santé de la Terre. Ouais. Ouais. C'est sûr, moins consommer, c'est intéressant pour l'environnement, mais on peut aussi faire un petit détour par la consommation d'objets usagés. Oui. Alors ça, c'est intéressant parce que non seulement on réduit la quantité de produits qui sont créés, produits, mm-hmm. mais on achète usagers, on réduit la quantité de produits, puis ça nous coûte moins cher. Beaucoup aussi. Moins cher. Ça devient de la consommation locale également à ce moment-là. Aussi. Ouais. Mm-hmm. Aussi. C'est ça. Même si ça a été fabriqué en Chine, vous achetez une pièce de tissu dans une friperie, c'est comme si vous achetiez du québécois. Mm-hmm. Ben oui, ouais. Ça a été, mais ça a quand même été transporté, mais quand même. Ouais, puis elle est déjà utilisée là. Oui, toutes la dépense énergétique, autrement dit, a déjà été faite. Au lieu qu'il soit jeté cet article-là, peu importe l'article, si on redonne une nouvelle vie, ben c'est un achat québécois, puis elle va avoir duré encore là. Ça, c'est un bon point de vue parce que rarement qu'on va penser à cette façon-là de dire, ben moi j'achète québécois. Puis on voit, OK, c'est écrit « Made in China », mais de la manière que vous apportez ça, dans le fond, ça redevient local. Parce Absolument. Que ça reste ici autour. On n'y pense pas à cette façon-là de penser. Absolument. Puis vous savez, quand on parle de consommation, forcément, on est relié beaucoup au stress. Parce que quand on consomme, on dépense de l'argent, on s'endette souvent. C'est vrai. Alors le stress, c'est pas quelque chose de très intéressant, ça. Alors, quand on consomme moins ou qu'on consomme usagé, cet aspect-là de notre vie peut être réduit beaucoup. On se contente quand même, mm-hmm. si vous voulez. Puis, il y a tellement de moyens d'acheter usagé aujourd'hui, que ce soit par électronique, le Kijiji ou les pack.com. Oui. Ou dans les friperies ou dans les marchés aux puces. Oui. Il y a même des donneries qui sont organisées où les gens donnent des choses simplement. Alors, on n'a pas de raison de ne pas profiter de cette manne-là. Non, c'est ça. J'ai vu aussi, il y a un site, le nom m'échappe, où est-ce que on peut vendre nos vêtements. Ça fonctionne par la poste. C'est sûr qu'on sort un petit peu du local, quoique on peut toujours changer, paramètre. Et puis, à partir de là, ben, on peut vendre nos vêtements et puis ça nous donne des crédits pour en racheter d'autres qui sont usagés. Mm-hmm. Et puis, des fois, c'est des vêtements de marque aussi. Ça aussi, les côtés... Moi, je parle filles, là. Je suis... Je parle aux filles, on les... Les filles, vous savez, les filles et l'environnement et la consommation, c'est très lié. On dit que 80% de la consommation qui est attribuable au sexe féminin. Mais on consomme donc bien, c'est vrai. Même moi, si, je veux des preuves, là. Je veux consommer, mais regarde, juste au niveau des vêtements, les hommes s'habillent vraiment beaucoup plus simplement que les femmes. C'est, hein, vrai. C'est vraiment différent. C'est mais vrai. Aussi, même pour l'achat d'une voiture... La femme va donner son mot. Ah, moi, je voudrais telle couleur ou je voudrais telle grosseur ou, tu sais. Mm-hmm. La femme est présente dans. Est impliquée beaucoup, dans les achats. Beaucoup, c'est ça. Ou même si des fois, l'homme voudrait quelque chose de plus simple, la femme veut quelque chose de plus élaboré. Ça arrive. Quoiqu'il y a des exceptions. Moi, je ne généralise pas ici. Il faut dire que, par contre, que la simplicité volontaire, là, ce n'est pas une diminution de la qualité de vie. C'est, au contraire. C'est intéressant. On améliore notre qualité de vie. J'aimerais apporter juste un exemple. On parle de voiture, on parle d'achat. J'ai quelqu'un dans ma famille, en réalité, que, je donne l'exemple, il s'est acheté il y a quelques années. C'est un type, disons, que quand il était plus jeune, ben un peu comme moi, puis bien d'autres, bon, les voitures plus sport, les voitures très puissantes, et ainsi de suite. Il s'est assagi, lui aussi, il est rendu à 42 ans. Maintenant, il s'est acheté, il y a quelques années, il y a 2 ans, il s'est acheté une Saturne. Il a payé 700 $ pour sa Saturne. On va dire, c'est une mignonne, ça. Au contraire, sa voiture apparaît très, très bien. Il n'y a pas une graine de rouille dessus. Mm-hmm. Naturellement, il a acheté ça de quelqu'un, exemple, là, une personne âgée, une voiture qui a du bas millage. Mm-hmm. C'est une voiture, Saturne, c'est une voiture en fibre de verre, je pense. C'est du composite, oui, c'est ça. Okay. Exactement. Fait qu'elle ne rouille pas, exemple. Mm-hmm. Ça, c'est une des bonnes choses. Depuis 2 ans, il a dépensé, parce que c'est vraiment une voiture usagée, tu as peut-être besoin de faire un petit peu plus d'entretien. Il avait besoin de changer un muffler à un moment donné. Ben, j'ai dit, ça m'est arrivé, moi, déjà, d'avoir une voiture, j'ai changé un muffler. J'ai appelé des, qu'on appelle les cours de scrap. J'avais acheté un muffler, je vais dire, je pense, pour 20 piastres. C'était réellement, réellement pas cher. Puis je l'ai fait poser, ça m'a coûté une bagatelle. Dans son cas, ça a été la même chose. Il a fait changer son muffler, puis il a changé ses freins récemment. À date, la voiture, il a presque rien coûté, sauf du gaz. Mm-hmm. Puis, je veux dire, en fin de semaine, il est parti à Montréal avec la voiture. Ça fait 2-3 fois qu'il fait des voyages. La voiture est en très, très bon état. C'est ça. Donc, il n'y a pas de danger au niveau de l'environnement. Là, pour, ben, c'est un achat, parce réellement. Parce qu'on parle beaucoup là, de voitures hybrides, de voitures électriques qui sont beaucoup sur le marché. Puis, on donne même des crédits d'impôt à ce niveau-là. C'est ça, vous en pensez quoi de ces voitures-là? C'est bon, mais... Dans son cas, c'est qu'il a acheté une voiture usagée. L'énergie pour la fabriquer, cette voiture-là, parce qu'on sait qu'une voiture, la plus grande partie de l'énergie que cette voiture-là demande en réalité, puis consommation d'eau et ainsi de suite, c'est à la fabrication. Mm-hmm. Elle va dépenser beaucoup plus, on dépense beaucoup plus d'énergie pour la fabriquer que l'énergie qu'on va dépenser durant toute la vie de cette voiture-là. Alors, c'est important de les garder le plus longtemps possible, de les faire rouler le plus longtemps possible. Alors, dans son cas, à moins que tu veuilles dépenser des milliers et des milliers de dollars, ce qu'il n'y a pas le moyen de faire, l'achat d'une voiture usagée est parfaite, parfaite. Mais naturellement, il faut que tu sélectionnes une voiture aussi qui a du bon sens. Mais oui, à 700 $, puis même il en a acheté une à un autre moment donné, il y a quelques années, j'en ai acheté une à un moment donné à 500 $, puis j'ai fait plusieurs années avec à peu près pas de problème. Tu sais, alors, c'est très, très bien. Puis, ça lui laisse de l'argent pour faire toutes sortes d'autres choses présentement. Je sais qu'en fin de semaine, il est parti avec ses enfants à Montréal, à regarder, je me souviens pas, des films en réalité, de cinéma en plein air, puis une exposition qu'il est allé voir. Tu sais. Alors, puis, il s'occupe beaucoup de ses enfants. Ses valeurs aussi ont changé maintenant. Mm-hmm. Pour lui, ses enfants, c'est la chose la plus importante. Puis, ben, il y a un peu d'argent pour être capable de le faire. S'il s'était acheté une voiture neuve, acheté une maison neuve, et tout ça, il n'y aura pas le moyen de pouvoir dépenser de l'argent sur ses enfants, en réalité. C'est... As-tu terminé? Je regarde, en réalité, son ancienne conjointe, Ben, c'est acheté avec son chum, ils viennent de s'acheter une nouvelle maison, ils viennent de s'acheter, elle avait une voiture qui était usagée et qui était en très bon état, elle aussi, mais fallait, là, tu sais, ses amis puis les personnes avec mm-hmm. elle travaille, ben, il y en a qui avaient des voitures neuves, fait que là, moi, ma voiture, elle a quand même 7, 8, 9 ans, là, tu sais. Mm-hmm. Alors là, ben, fallait que je paraisse comme les autres puis avoir... Donc? L'apparence était très importante, ça me prenne... Là, la maison neuve, il faut que j'invite mes amis à venir voir ma nouvelle maison. Mm-hmm. Mais là, elle n'a plus d'argent, ben, pour faire des choses. Tandis que Michel, lui, demeure dans un appartement. Puis les enfants sont plus heureux quand ils vont chez leur père parce que leur père leur consacre du temps. Leur consacre du temps. Ce que la mère n'a pas parce qu'il faut qu'elle travaille beaucoup, puis ainsi de suite. Oui. C'est des valeurs. La simplicité volontaire, c'est beaucoup des valeurs humaines. C'est ça. C'est les valeurs humaines à la base, oui, comme vous avez exact. Parlé. Vous alliez ajouter quelque chose? Vous nous avez posé une question concernant les autos électriques. Ça, uh-huh. c'est intéressant. Oui, oui. Voulez-vous qu'on en parle un petit peu? On va aller faire une pause. Moi, je dirais... Ben écoutez, on peut en parler, oui, mais moi je vous conseille peut-être de rester avec moi. On va écouter une chanson qui parle de consommation, oui et non, si on veut. On peut l'écouter de toutes plein de façons. C'est Ariane Moffatt avec « Je veux tout ». On est de retour à l'émission Les Différents, toujours avec Pascal et Benoît Grenier. On parlait avant la pause d'auto électrique, de voitures hybrides aussi. Vous vouliez en parler un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Bien, c'est ça. Les autos électriques, on peut penser que c'est la voie de l'avenir, hein, parce que le pétrole... On en entend beaucoup parler, en tout cas. Le pétrole, c'est pas un produit d'avenir, c'est un produit du passé. Puis quand on regarde dans le futur, un peu plus lointain, on commence déjà à en parler, les autos qui vont se conduire elles-mêmes, autoconduites, je pense qu'on appelle ça. Oui, je pense que oui, je pense que c'est le terme. Il va arriver que ça va produire l'exemple suivant, c'est que vous allez être chez vous, vous allez commander une auto mm-hmm. avec votre téléphone intelligent, l'auto va venir elle-même devant votre porte et vous allez vous entrer dans l'auto, vous avez donné votre destination, puis on va vous conduire à la destination. Vous allez payer juste pour votre course. Mm-hmm. Sans avoir à conduire vous-même, d'ailleurs. Sans avoir à conduire vous-même. Mm-hmm. Ça va amener un drôle de phénomène hein, parce que les gens ne posséderont plus leur propre auto. OK, ça va jusqu'à amener... là, il y a des essais là, qui se font avec la voiture Google, si je ne me trompe pas. Je ne veux pas m'avancer dans un sujet que je connais peut-être un petit peu. Ça s'en vient très, très vite. Hein. Oui, ça a l'air de s'en venir. Ça développer très rapidement. Ouais. Ça va amener une réduction de 90 % du parc automobile. Les gens ne posséderont plus leur propre auto. Ils vont commander une auto d'où ils sont, puis l'auto va être là dans l'espace de 5 minutes, même moins. Alors, ça va amener une réduction du parc automobile de façon très, très considérable. Ça ressemble au film de science-fiction qu'on voyait dans les années 80, puis ou dans les années 90, qu'on voit ça. Ça s'en vient, on parle de combien de temps environ? À moins de 10 ans, même 5 ans à peine. 5 ans à peine, là, ces voitures-là vont... Parce que Google... Ils vont commencer à être sur le marché, probablement, non? Ben, elles le sont déjà. Des voitures Tesla sont déjà des voitures qui peuvent être conduites d'elles-mêmes, sans avoir à y toucher. Mm-hmm. Google, comme vous mentionnez, est en cours de... En réalité, toutes les compagnies travaillent sur ça, mettent beaucoup, beaucoup d'efforts. Et déjà, cette année, il y a des voitures qui vont être offertes au grand public. C'est mm-hmm. beaucoup plus les réglementations gouvernementales, en réalité, là, qui peuvent ralentir tout ça. Mais la voiture électrique, là, c'est... D'ailleurs, dès cette année, là, il va y avoir, entre autres, GM qui sort une voiture qui va être, comparativement à la voiture essence, qui va être au même prix qu'une voiture essence pour la même grosseur, mm-hmm. au même prix à l'achat. quand on, puis, en plus de toutes les économies qu'on a de pas de changement d'huile, pas de mettre d'essence, pas avoir de réparation. C'est une voiture qui n'a pas de réparation, en réalité. Oui, on rentre vite dans notre argent, là. Exactement. Mais à l'achat, elle va être au même prix. Il y a elle, puis il y a également une Tesla qui va être aussi au même prix qu'une voiture à essence. Alors, pourquoi acheter une voiture à essence quand les voitures électriques sont plus performantes de beaucoup, puis vont coûter moins cher? Alors, la plupart des gens, à un moment donné, d'ici 5 ans, là, il y a plus grand monde qui va se mettre à acheter des voitures neuves, qui vont acheter des voitures à essence parce que ça va coûter moins cher et des voitures plus performantes puis pas de réparation. Alors, c'est la logique, c'est ça va aller vers ça. Mm-hmm. Puis, yeah. Puis on peut pas reculer en arrière. On peut regarder, entre autres, là, le phénomène de bascule qui appelle, à un moment donné, Kodak. On connaît toutes les, naturellement, les caméras Kodak qu'on avait, ouais. Les films qui étaient faits avec... dans un espace, au début, les caméras digitales, c'était pas très performant. Mais non, dans un moment donné, ça s'est amélioré. Et il y a eu l'effet de bascule. Il y en a eu assez, à un moment donné, sur le marché. Ça s'est assez développé, puis le prix a diminué à tel point que dans un espace de 3 ans, Kodak, qui avait, je pense, c'est 17 000 employés, a fait faillite en l'espace de 3 ans. Parce que, justement c'est cet effet de bascule, moins c'est cher, ben les gens embarquent dans ça. Ouais. Puis le problème... Mais ça prend les précurseurs au départ. Là, comme la Tesla, là, il y a eu un gros engouement il y a quelques mois. Tout le monde se lançait. Il y avait des listes d'attente, tout ça. Mais là, tranquillement, j'ai vu, il y a des bornes de plus en plus visibles au niveau des bornes de recharge pour les voitures électriques. Exact. Ah oui. C'est beau, la voiture électrique. Oui, c'est très bien. Puis l'avenir est réellement dans ça. Par contre, c'est pas la panacée. Parce que si tout le monde se met même... Mettons qu'aujourd'hui, tout le monde avait des voitures électriques. Ben, ça ne règle pas grand problème parce que les congestions sur les autoroutes vont être exactement la même qu'aujourd'hui. Tu sais, ça ne règle pas les problèmes. Le coût environnemental de fabriquer les voitures, comme on parlait, d'énergie que ça demande de fabriquer les voitures, il sera le même également. Oui. Alors, ça ne règle pas le problème. Par contre, tel que vous mentionniez, Google et Tesla qui ont des voitures qui vont se conduire d'elle-même et qui va réduire le parc automobile. Ça, c'est réellement la vraie solution. Dans ce contexte-là, déjà aujourd'hui, vous savez, pour des gens qui demeurent dans des milieux assez denses, là, comme par exemple le centre-ville de Québec, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm, il y a un service d'autopartage. Qui est très intéressant, c'est comme une auto. Oui, comme une auto. Mais c'est ça, moi je suis de Montréal, j'en vois beaucoup sur le plateau. Ici à Québec, j'en voyais moins. Là, je commence à en voir, ça fait pas très longtemps, je pense. Ça permet de vivre sans posséder une auto. Alors, sur le plan financier, déjà, c'est très intéressant. Mais sur le plan environnemental aussi, parce que ça réduit... Quand vous avez une auto de communauto, ça réduit l'équivalent de 10 autos possédées par des personnes. OK. Alors, il y a un rapport de 1 à 10, ça diminue beaucoup le nombre d'autos sur la route. Là. On enlève 9 autos à chaque personne. À chaque auto, on enlève 9 sur la route. C'est beaucoup, là. Ça, c'est une des manières, parce qu'on parlait à micro fermé, de où on peut aller chercher de l'argent, où on peut aller chercher des économies. Bien, là, vous avez une économie extraordinaire, parce qu'une voiture, là, une voiture, ça coûte très cher. Hein. Une voiture neuve, là, c'est facilement là, 7 à 8 000 $ par année que ça coûte. Qu'on le regarde d'à peu près de n'importe quelle façon, avec naturellement la dépréciation, les assurances et tout. Ouais, c'est facilement 8 000 $. Aussitôt, c'est quoi? C'est 25 % qu'on perd? La première année. Aussitôt qu'on met la clé dedans, je pense, exactement. C'est 25 %. Alors, c'est une auto, là, c'est le pire investissement que quelqu'un peut faire. Mais par contre, il y a bien des gens, c'est... La voiture ne sert pas seulement qu'à se déplacer du point A au point B, mais c'est de montrer son standing social, c'est de faire villes, tout ce que... Pardon? Les villes aussi sont faites en fonction qu'on n'utilise pas tant que ça le transport en commun. Je sais, moi, je regarde la façon de me déplacer ici. Il y a bien des places où est-ce qu'il faut que je prenne ma voiture pour me déplacer parce que en autobus, ça va me prendre 2 heures. Mm-hmm. En auto, ça va me prendre 10 minutes. Si on augmente ce service-là, ça peut-tu être intéressant? Vous savez, l'aménagement de la ville est au cœur des problèmes environnementaux parce que beaucoup de gens cherchent à aller à l'extérieur du centre-ville. Mm-hmm. Ils font ce qu'on appelle de l'étalement urbain. Ils veulent aller plus en nature, plus en campagne. Puis là, malheureusement, il n'y a pas de service d'autobus. Le transport en commun ne peut pas être adéquat parce que c'est pas assez dense. Ça pourrait aider au niveau de la circulation, tout ça, s'il y avait des autobus quand même, là. Oui, c'est vrai que c'est si on regarde la Laurentienne le matin, en semaine, c'est intense, là. C'est vraiment congestionné dans ce coin-là. Si on y mettait une voie d'accès, où est-ce qu'on pouvait prendre l'autobus pour se rendre direct au centre-ville, ça pourrait être une solution. Oui, mais vous savez, la vraie solution, c'est pas de mettre une voie d'autoroute supplémentaire. C'est de densifier le centre-ville, puis le rendre humain en même temps, pour que les gens soient intéressés à demeurer en centre-ville avec leurs enfants, qu'il y ait des parcs, qu'il y ait des espaces pour le jeu, plus d'espaces verts, puis des villes plus denses. À ce moment-là, les services sont là. Moi, quand je suis venu m'installer à Limoilou, je sortais d'un divorce, j'ai laissé ma voiture à mon ancienne conjointe. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de vivre sans auto. Puis là, je me suis aperçu qu'il y avait un service de communauto. Puis il y avait un autobus qui passait en face de chez moi toutes les demi-heures. Puis qu'il y avait la 801 d'un côté, puis la 800 de l'autre. Qui passe assez régulièrement. J'ai pas besoin d'auto. Après un mois, je me suis dit, là, pas l'auto pour moi, c'est fini. Ben, c'est un luxe, c'est ça. C'est un luxe, c'est mon ordre. Alors, comme dit Benoît, c'est au moins 5 000 $ par année que je dépense pas. C'est énorme. Ça me coûte à peu près l'équivalent de 1 200 $ par année pour le domaine du transport, incluant le titre de transport de la RTC. C'est pas dur, c'est pas fatigant pour moi parce que quand j'ai besoin d'un auto, je l'ai. Mm-hmm. J'ai juste à me rendre. Même qu'avec maintenant, ils appellent ça l'automobile. Mm-hmm. C'est un service de communauto où on commande. Il y a des autos qui sont. C'est comme comment est-ce qu'ils appellent ça, donc? C'est de l'autopartage. Il y a des autos dans notre environnement. On les réserve par Internet. OK, ça fait penser à communauto. C'est comme de libre service, c'est ça. Mm-hmm. C'est des autos en libre service. Ils sont sur le territoire, on les repère par Internet, on la réserve, ça dure une demi-heure de réservation, on se rend à l'auto, on l'utilise, et puis on fait notre course. Quand on revient, on la laisse n'importe où dans le secteur permis, on peut la laisser en face de chez soi. Mm-hmm. Puis on n'a pas besoin maintenant de prévoir le temps qu'on l'utilise. Ça, c'est des bonnes améliorations. Contrairement à communauto, c'est un service de communauto. Oui, mais on n'a pas besoin de penser à combien de temps. Pas besoin de réserver pour une certaine période. On l'utilise le temps qu'on veut, puis on la laisse où on veut, dans le secteur qui est déterminé. C'est facile, là. Mais c'est intéressant pour les gens, justement, qui nous écoutent, qui se posent des questions. Ouais, ben moi, ça me tente pas d'avoir de prendre tout le temps l'autobus, quoi que ce soit, ou ça peut être une alternative aussi. Là, si je vais en dehors de la ville, comme une auto, justement, il y en a une qui passe juste derrière vous, devant la vitrine de CKRL. Donc, on en donne des... Là, on parlait de déplacement, transport... niveau de réutiliser, oui, vous allez dire? Oui, bien ça, c'est une autre chose. Quand on demeure en banlieue, bien c'est infaillible. Tu as absolument besoin d'avoir une voiture, puis des fois deux, puis même parfois trois qui sont stationnés devant la porte. Mm-hmm. Puis je reviens à mon exemple, on va l'appeler Michel. sa conjointe, bien eux autres, supposément pour améliorer la qualité de vie, peut-être des enfants, mais c'est pas ça qui est arrivé du tout. Eux autres, ils ont été se construire une maison, se faire construire une maison. Ils ont acheté une maison à Val-Bélair. Fait que quand on regarde le déplacement que ça, qu'ils ont besoin de faire à deux fois par jour, en plus de ça, les enfants ont des activités. Ça fait que ouais, c'est le papa ou la maman taxi. C'est beaucoup, beaucoup de déplacements. Ouais. Et dans le cas de Michel, même si eux autres ont une belle maison, puis il y a du bois en arrière, tout ça, les enfants sont beaucoup plus heureux de demeurer dans un 4,5, dans un bloc appartement qui est en ville, en réalité. Parce qu'il y a des parcs qui sont proches. C'est ça, il y a une communauté autour. La piste cyclable est tout proche. Ils font du vélo. Il y a des parcs avec des activités, des spectacles qui peuvent se rendre, qui vont assez souvent en vélo, qui vont faire les activités en vélo. Ouais. Mais ils sont, naturellement, il y a une densité où ils sont. Fait que c'est beaucoup plus facile. Ça veut dire que ces déplacements, Michel, parce qu'on parlait tout à l'heure de où sauver de l'argent, ces déplacements lui coûtent presque rien. Soit pour les activités avec les enfants ou même pour se rendre au travail, entre autres parce qu'il y a une voiture qui il n'y a plus de dépréciation sur sa voiture. Là. Ben c'est ça. Ça, en restant en quartier, si je vous comprends bien, en restant dans un quartier qui est pas plus populaire nécessairement, mais où est-ce plus que dense, les gens... où est-ce que c'est un petit peu plus dense, ça favorise aussi l'achat local. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus aller à la friperie à pied qui est à côté de chez nous parce que, ils en reçoivent tous les jours, ils reçoivent des nouveaux vêtements. On va plus aller aider, par exemple, à la pharmacie ou est-ce que c'est un pharmacien du quartier qui habite là? Donc, c'est ce que je comprends. C'est vraiment ce que vous parliez tout à l'heure d'entrée de jeu, le côté solidaire, communauté, les valeurs aussi. Les villes ont un gros effort à faire de ce côté-là, de rapprocher les services des citoyens. Un beau modèle dans ce domaine-là, c'est le secteur de Limoilou, de la 3e avenue à Limoilou, où il y a plein de services. Moi, j'y demeure. Je demeure sur la 4e avenue. Mm-hmm. Alors, c'est tout proche. On a à peu près tous les services à proximité. Un peu la même chose dans le bout de la rue Cartier ou de la rue Maguire. Ouais. Un peu le même genre de quartier où on a plein de services tout en résidant à proximité. Alors, dans des places, des développements comme font les villes, par exemple, où c'est des villes dortoirs. Oui. Ça, c'est les complètement... villes dortoirs, ça, ce que vous voulez dire, c'est vraiment des villes qui sont installées pas très loin. Ben, c'est les banlieues, souvent, là. C'est des banlieues qui se sont développées. C'est ce que vous appelez les villes dortoirs. Exactement. Soit des blocs, des places comme dans le Bourgneuf, ils ont développé beaucoup de blocs appartements le long de Robert Bourassa. Ouais. Il n'y a pas de service, à peu près pas de service à proximité. Non, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple. C'est ça, il y a des entreprises en construction, des choses comme ça, mais ça va bien mal acheter du lait à cette place-là. C'est ça. C'est toujours la voiture. C'est ça, on embarque dans la voiture, puis directement on part. Les activités pour les enfants, tu n'as pas de parc qui sont proches ou à peu près pas. C'est toujours ça. Il y a un modèle de transport qu'on n'a à peu près pas parlé, mais qui est super intéressant, c'est le vélo. Ben oui, le vélo, les cyclables, ici, il y en a beaucoup. Ou même dans les rues, là, pour aller faire, moi, très, très régulièrement, au lieu de prendre la voiture, parce que je suis obligé d'avoir une voiture avec mon épouse, faut que je garde ma voiture. Mais souvent, pour toute la petite épicerie, là, aller chercher un peu de lait, du pain, des choses d'appoint, ben, ou aller à la pharmacie, ou aller à la banque, ben, je prends mon vélo. Je prends mon vélo, même si j'ai une voiture, je la laisse là, tout simplement. Je prends très régulièrement mon vélo parce que les choses sont pas trop loin non plus. Quand on est en banlieue, comme Pascal disait, dans le coin de Henri Bourassa, pas Henri Bourassa, mais de... Le Bourgneuf. Le Bourgneuf, ouais. C'est ça. Les commodités sont loin. Alors, prendre le vélo, ça se fait pas trop, trop bien à ce moment-là. C'est pour ça que c'est important de choisir un moment où on s'installe. C'est au moment où on s'installe que c'est le temps de choisir là où on va s'installer, où on va demeurer, de telle façon que tu n'es pas forcé et obligé d'avoir deux, trois voitures. Une fois que tu es installé, après ça, tu n'as pas le choix. Ben là, tu as fait le choix d'aller là, ben là, tu en subis les conséquences. Ouais. D'avoir à avoir deux puis trois voitures, d'avoir à passer 45 minutes, une heure dans ta voiture, puis là, tu trouves que c'est plate parce que ça va pas assez vite et tout ça. Ouais. Vous m'amenez sur un point. J'ai été voir sur votre site du groupe. Moi, c'est ce que j'ai, en fait, c'est le gsvq.org sur votre site pour le groupe à Québec de Simplicité volontaire. Ce que j'ai vu, justement, vous venez juste de parler du trafic. Mm-hmm. Le côté, à un moment donné, ce qui m'a surpris, c'est de voir que dans les valeurs de la simplicité volontaire, ce que vous mentionniez, c'était de diminuer l'endettement. On en a parlé, mais aussi l'épuisement professionnel. Ça, c'est un point, et puis ça peut même, bon, augmenter le temps. Donc, à ce niveau-là, l'épuisement professionnel, on va jusque-là? Bien sûr. Ouais. C'est la simplicité volontaire, là. On parle d'épuisement, oui, d'un côté, on est beaucoup dans le trafic, donc là, on se rapproche, mais ça va jusqu'à ça. En dehors du trafic, il y a quoi aussi dans l'épuisement? En réalité, la simplicité volontaire, là, c'est tout d'améliorer sa qualité de vie. C'est ça, en réalité, là. Quand on regarde tout ça, les petits moyens qu'on utilise améliorent notre qualité de vie, nous donnent du temps pour faire des choses autres que de payer les dettes, en réalité. Mm-hmm. Alors, c'est ça, ça, d'améliorer, d'être plus heureux. C'est ça le but de la simplicité volontaire. Ce n'est pas ce n'est pas seulement que de diminuer sa consommation, mais par le fait que, entre autres, on parle de diminuer la consommation, mais ça touche toutes sortes d'autres points aussi, là. Mais c'est donner de la qualité à nos relations avec nos voisins, avec la qualité avec notre famille, mais c'est réellement de se donner une qualité de vie et d'être, au bout de ça, c'est d'être plus heureux. C'est ça le but, c'est d'être plus heureux. Vous parlez de travail, là, particulièrement, la réduction des burn-out, réduction des dépressions au travail. Mm-hmm. Vous savez, quand on est dans le tourbillon de la vie, que j'appelle, quand on est dans le tourbillon de la vie, qu'on travaille, on travaille, on travaille, pour gagner toujours de plus en plus d'argent, pour s'acheter de plus en plus de choses qui sont pas toujours nécessaires. Mm-hmm. Souvent, ça nous amène du stress. En plus du stress du travail lui-même, il y a le stress de l'endettement. Mm-hmm. Puis, ça nous amène souvent aussi des conflits familiaux. Oui, parce que là, vous savez, le stress relié à l'endettement. Ah, il y en a qui s'endurent pas au stress, là, c'est ça. Des discussions dans le couple. La chicane peut partir, Même ça arrive à des divorces, souvent. En plus, des maladies aussi, là. Mais... Alors, quand on pratique la simplicité volontaire, c'est comme si on mettait tout ça un cran en dessous. C'est ça. On diminue la pression partout. On enlève l'importance qui n'a peut-être pas lieu d'être, là, qui n'a peut-être pas, on devrait peut-être pas mettre cette importance-là sur la performance, la belle maison, tout ça, le paraître, comme on parlait tantôt. Quand on enlève cette pression-là, on doit se sentir un petit peu plus léger, là, à la base. Hein? Absolument. Ça rapproche du bonheur. Ça rapproche du bonheur. Ben, c'est ça. Tout le monde court après. Tout le monde court tout le temps après. Ouais. Donc, ça, c'en est une solution de vivre, probablement. Mais ça veut pas dire, parce qu'il y a un gros tabou qui reste aussi avec ça, c'est, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas... on voit des articles, j'en ai vu une, il y a quelqu'un en Gaspésie, vit avec 10 500. Là, tout le monde se dit, ouais, mais attends, là, je peux pas vivre avec 10 500 par année. Mon loyer, mon hydro, mais ci, mais ça. On n'est pas anti-argent, là, quand on est avec la simplicité volontaire. On peut prendre ce qu'on a de plus si on n'a pas de besoin et faire un don, là, à un moment donné. Mais c'est un tabou qui colle à la simplicité, bien, non? Souvent, on présente la simplicité volontaire comme des choses extrêmes. Quelqu'un qui vit avec 10 000 $ dans le fond de la Gaspésie, là. Ouais. Ou quelqu'un, un couple qui s'installe sur une terre et qui devienne comme autonome, autosuffisant. Mm-hmm. Mais c'est pas là qu'est l'avenir de la simplicité. Des gens peuvent faire ça s'ils veulent. Oui, c'est ça. Il y a certains mouvements qui se créent, mais en général, c'est pas nécessairement ça, là. C'est pas comme ça qu'on vit, là, dans la simplicité volontaire. C'est des exceptions, ces gens-là. Souvent, on présente ça comme étant le modèle. Exactement. Mais c'est pas ça du tout. La simplicité volontaire, telle qu'on le vit dans le groupe de simplicité volontaire de Québec, c'est des gens qui sont tous en ville, qui vivent dans des maisons relativement petites, qui n'ont pas des 4x4 la plupart du temps, qui vivent avec des biens matériels relativement réduits et qui ont une vie à peu près normale quand même. Mais vous savez, bien souvent, moi j'ai remarqué, c'est les gens qui pratiquent la simplicité volontaire qui ont le plus d'argent. Parce que l'argent qu'ils ont... Ah, ça, ça va être intéressant. Là, je pense que vous venez d'accrocher quelques personnes. C'est sûr et certain qu'il y en a au moins une couple qui viennent de... Ah, peut-être plus même. Il nous en reste plus d'argent parce qu'on la dilapide pas. C'est vrai. À part pas en fumée dans nos achats impulsifs. C'est intéressant. C'est intéressant. Bien, c'est un point de vue de le voir. Parce que en réalité, là, la publicité cherche à nous faire acheter de plus en plus... Mm-hmm. Pour avoir quelque chose que mieux que notre voisin. Exactement. Mais à un moment donné, l'autre voisin à côté va avoir encore mieux. On n'arrive jamais au bout. C'est ce qu'on appelle le voisin gonflable. Le voisin gonflable. Et on n'arrive jamais... La publicité, naturellement, c'est toujours d'essayer de nous faire dépenser plus. Mais il y a toujours quelqu'un qui va avoir mieux encore. Fait que, au bout de tout ça, on est toujours insatisfait. C'est comme... Moi, j'ai une expression que j'aime utiliser, c'est « assez, c'est assez ». Ouais. Autrement dit, je reviens à l'exemple de Michel avec sa voiture de 700 $. Sa voiture, elle répond parfaitement à ses besoins. Mais pourquoi il a besoin d'avoir plus que ça? Puis il est très heureux avec sa voiture, il va partout où il a besoin. Et elle est très fiable. Alors, pourquoi avoir... « Assez, c'est assez ». Puis à peu près dans tout. À peu près dans tout. Et puis, je donne un exemple. Il a changé de travail à un moment donné. Il avait un travail qui était plus payant, mais il n'était pas heureux. Maintenant, il se lève le matin, il dit, il me paye, il dit, pour faire ce travail-là. Il dit, je suis heureux dans ce que je fais. C'est ça. Il y en a aussi qui diminuent leur nombre d'heures ou leur journée de travail pour profiter plus de la vie. À un moment donné, c'est bien beau, métro, boulot, dodo, là, mais c'est assez. Exactement. Comme vous dites, assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Puis dans son cas, il a cherché un travail qui répondait à son besoin. Il ne voulait plus travailler les fins de semaine. Il voulait qu'à 5 heures, c'est terminé. Je m'en reviens chez nous, puis j'ai plus à me préoccuper de quoi que ce soit. C'est ça qu'il y a maintenant. Il a diminué pour un temps temporaire, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est là, un petit peu moins de salaire, mais il est heureux. Je ne l'ai jamais vu aussi détendu que je le vois maintenant. Alors, c'est ça la simplicité volontaire en réalité. Ah ben, c'est un bel exemple. C'est tellement intéressant de juste avant de terminer, que j'aimerais parler de l'atelier de simplicité volontaire qu'on justement, organise. Justement, j'allais là. Notre groupe. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est, parce que ça m'intéresse aussi. Oui, ben c'est 5 rencontres qui ont lieu à la raison d'un soir par semaine et qui traitent d'un certain nombre de sujets reliés à la simplicité volontaire naturellement, comme la consommation, le travail, l'argent, la famille, l'environnement, tous des sujets qu'on traite avec un axé sur la simplicité volontaire. Puis c'est très interactif. Les gens peuvent s'exprimer, on échange. Alors, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés à participer à cet atelier-là, ça va avoir lieu en centre-ville, probablement au Centre culture et environnement Frédéric Bach sur la rue Salaberry. Oui, mais j'imagine facile d'accès en autobus. Oui. On va rester dans le même sujet. Absolument, c'est un critère de choix du local. Oui. Alors, ceux qui sont intéressés peuvent me rejoindre, peuvent me laisser mon courriel, mon numéro de téléphone. Alors, c'est Pascal Grenier. Oui. Alors, Pascal Grenier, 418-529-7890. 418-529-7890. Ou vous pouvez me rejoindre par courriel à pascal.grenier. 2, le chiffre 2, acommercial@gmail.com. Alors, ça me fera plaisir de vous répondre. Puis le coût des ateliers, c'est 30 $ pour 5 soirs. Pour 5 soirs, puis c'est des soirs de combien de temps? Les ateliers durent combien de temps? 5 semaines. Oui, puis par soir, ça dure une heure, deux heures? C'est 1h15. 1h15, on va y aller pour 2 heures. Oui, c'est ça. Je vous ai organisé ça, moi. Ben, c'est très gentil d'être passé. Écoutez, moi, j'avais beaucoup de questions concernant la simplicité volontaire, puis j'avais aussi des questions, quand j'en ai parlé, que je voulais faire ce sujet-là à l'émission, on m'a demandé même, mais qu'est-ce que c'est? Je pense que vous avez quand même pas mal vulgarisé le sujet, vous avez expliqué, puis c'est exactement ça que je veux faire avec les différents. Puis je vous remercie en tant que premier invité avec le premier sujet. Oui, la semaine dernière, j'ai eu un ami, Denis Viel, qui venait débroussailler qu'est-ce que c'était les différences au travers de la culture, les temps, les âges. Mais là, comme premier sujet, je pense que je pouvais pas tomber mieux avec vous. Pascal, Benoît Grenier, merci beaucoup. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Vous savez, juste un petit mot en terminant. Allez-y. Aussi, la simplicité volontaire, ça paraît rébarbatif un petit peu à prime abord pour certaines personnes, mais il n'y a pas de doute que l'avenir de l'humanité, on ne rit pas là, l'avenir de l'humanité est dans la simplicité volontaire, dans une réduction de la consommation. On ne peut pas continuer à consommer en fou, comme on peut dire, là, comme on le fait maintenant. Ben merci, messieurs. C'est gentil. On va se laisser avec ça ce plaisir. Mot-là. Okay. Il y a aussi l'adresse, l'adresse du site Internet de la Simplicité volontaire, le groupe de Québec. Vous pouvez trouver ça sur le gsv.org. Il y a aussi des places pour ceux qui nous écoutent en balado-diffusion ou sur Internet à Gatineau, à Montréal, à Saint-Jérôme, à Trois-Rivières. Il y a vraiment des groupes partout, là, mais ça, il pourrait en avoir encore plus, là, je pense. Ça peut Absolument. Être intéressant. Absolument. Messieurs, merci beaucoup. Et puis moi, ce que je vous dis, en fait, c'est merci d'avoir été là. Et puis, il y a une petite nouvelle au niveau des différences que j'ai vues cette semaine. Je l'ai vu passer au niveau de Starbucks qui abolit les uniformes. Je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que je parle beaucoup dans mon blog et puis avec les gens sur ma page Facebook de vêtements. De côté, oui, le côté comment est-ce qu'elle est habillée, comment le jugement peut se faire à partir de ça. Et puis, il y a un nouveau code vestimentaire qui veut marquer l'individualité. Donc, les 20 000 employés au Canada de Starbucks donc peuvent avoir les cheveux de leur couleur, de leur choix. Les vêtements, ils vont toujours pouvoir, ils peuvent y aller en robe aussi, on disait, pour les filles, puis pour les gars, pourquoi pas. La seule chose qu'ils vont garder, c'est les tabliers verts qui vont toujours être là. Donc, ils ont décidé d'écouter les employés, d'être préoccupés par le bien-être de leurs employés, ben tant mieux, parce qu'en 2014, ils avaient déjà commencé à permettre les tatouages parents, les piercings, les jeans noirs aussi. Donc, vraiment, ça peut être intéressant si vous cherchez un emploi ou est-ce que vous voulez être différent, ben pourquoi pas, chez Starbucks, on sait jamais. Si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous suivre, oui, sur la page Facebook de Différents, donc Différents avec un S, et puis la dessus, vous avez toutes les nouvelles, le blog, tout ce qui vient avec, ou sur le site de CKRL avec les différents. C'est Mélanie Florent qui vous dit un grand merci et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine et le sujet la semaine prochaine. Je ferai pas comme la semaine dernière vous dire, ben vous verrez. Là, je vais vous le dire cette semaine, c'est les transgenres. Donc, je vais avoir des invités avec moi et puis ça risque pas. Ça va être très intéressant. Bye bye, bonne semaine.